Directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès C'est Fou édition Franco. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est Fou édition Franco pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2010. Je m'appelle Mathieu Plante et pendant deux heures, comme ça, on va passer un bon petit moment à écouter de la musique francophone. En fait, je dis deux heures, mais ça dépend quand vous nous écoutez. Je devrais pas dire le nombre d'heures. Haha! La semaine passée, le numéro 1 était Mimi Van Der Glo avec Demain je travaille. Est-ce que c'est encore le numéro 1? Il va falloir rester avec nous jusqu'à la fin, c'est-à-dire dans 1h30, ça je peux le dire, pour le savoir. Mais on va commencer par les nouvelles entrées de cette semaine. Tantôt, on va entendre une nouvelle pièce du Nombre. Ça s'appelle Sur ton île. Mais on commence par la deuxième pièce de l'album Toutes les filles sont folles de moi de Patrick et les Brutes. C'est Toutes les filles sont folles de moi, parce que c'est la pièce titre. Au 89 FM, c'est vous. Ça a beaucoup de sens comme début, c'est un début... Béton. Nouvelle entrée. Même si j'ai que tu inondes et que je veux vivre avec toi, moi je veux vivre dans le monde. Je faisais des chansons de toi. Je sais que ce n'est pas facile, que le cauchemar revient parfois. Oui, mais nous serons. Yeah.

battre des cils. Oh ma chérie, tu es un hit. Ton corps est une plage au milieu des tristesses. Qu'on lit dans les yeux des garçons quand tu passes près d'eux. Tes mollets moulés à même le nylon et tes yeux des chansons tristes en si triste. Oh ma chérie, tu es un hit. Ton corps est une plage au milieu des tristesses. Mais si tu t'en vas, moi je te tiens la porte. Et allons battre la semelle dans des tas de feuilles mortes. Je ferai en sorte que tu sois mon escorte jusqu'à ce que l'ennui nous sépare, jusqu'à ce que la nuit nous répare de ces voyages au calende. Oh ma chérie, tu es un lit. Mon cœur est une plage au milieu des tristesses. Et si tu t'en vas, moi je te tiens la porte. Et allons battre la semelle dans des tas de feuilles mortes. Oh ma chérie. Mon cœur est une plage au milieu des tristesses. Numéro 5. Vini la jeunesse, Asso avec Agenda en 16e position francophone, ça monte de deux places. C'était précédé de Chinatown et Tu es un hit qui était numéro 4 la semaine dernière. Et on a débuté avec Hôtel Morphée qui était en 5e la semaine passée. La pièce se nomme Danse sur les toits. Ça, c'est un beau bloc. Très beau bloc, mais ça ne peut qu'être meilleur jusqu'à la fin. Hein, parce qu'on se rend jusqu'au numéro 1, c'est un décompte, un palmarès, c'est dans l'ordre des chiffres, mais à l'envers. C'est comme, en tout cas. Prochain bloc, les Maléchés et nos amis au Pakistan. On débute avec la position numéro 15. Ça descend de la deuxième place. Voici Elle de Marie-Pierre Arthur. Dans quelques secondes à peine, le temps que je me reviens et que je vous dise. Allez voir sur le cifre.ca pour nous écouter en direct sur Internet et de télécharger la balado-diffusion qui est extrêmement sympathique. Hein. Format MP3, on se télécharge ça directement dans le iPad. Tu sais, votre super iPad, là. Je sais qu'il n'existe pas encore, là. Il n'est pas encore dans vos mains, vous ne l'avez pas encore acheté, tu sais. Puis, il semble qu'ils annoncent ça de bonheur, je sais pas, je trouve. Voici elle, le Marie-Pierre, ça. C'est une parenthèse. On sort en janvier, on l'a en mars. Bon. Je vais réécouter cette émission-là dans quelques années, puis je vais me dire, waouh, il est sorti, t'sais. Je l'ai pas acheté, mais il est sorti.

c'est plutôt violente. C'est à huis clos, c'est à dérouler la battante. On les avait laissés rentrer, mais quand la porte s'est refermée, c'est en ambulance qu'ils s'en sont tournés. Voici c'est différent, y'aura pas de bagarre ni d'effusion de sang. Cette fois-ci, on peut être fier de ce qui sort du garage. Ça fait des mois qu'on est sur ce projet-là. Quand ça va sortir, vous y croirez même pas. À préparer vos Kodak, c'est à soi qu'on roule les portes du chac. Y'a de quoi de gros qui s'est passé dans le garage. Y'a de quoi de gros qui s'est passé dans le garage. Y'a de quoi de gros qui s'est passé dans le garage. Les mal légers, le garage stable en 13e position. C'était précédé des Amis au Pakistan avec Le Fleur de ma journée qui est stable en 14e. Mais on a entendu au début du bloc, oui, Marie-Pierre Arthur avec Elle. Et Elle descend de la 2e. Donc méchante, méchante retombée économique pour Marie-Pierre Arthur. Je sais pas si ça va l'affecter économiquement des descendants dans pas mal de c'est fou, mais bon. Prochain bloc, il va y avoir Naïve et Damien Robitaille, mais on commence avec Ariel. Leur pièce est stable en 12e. Voici Méfie-toi, Méphisto. Hein? Méfie-toi, Méphisto, attention! Watch your back! Hein? numéro 11. Et comme ça, je suis devenu un grand. Je fais tout, tout seul, seul comme un grand, grand comme un homme autonome. Je fais tout, tout seul, seul comme un grand, grand comme un homme autonome. Ooh, yeah. Condition héréditaire, ma famille, c'est une bande de solitaires. De cinq générations, nous n'avons eu aucune réunion. Je fais tout, tout seul, seul comme un grand, grand comme un homme autonome. Je fais tout, tout seul, seul comme un grand, grand comme un homme autonome. Un maniaque, autodidacte, libre comme l'air, célibataire. Je ne reçois qui que ce soit, tant que je gueule, je reste tout seul. Je sais, j'aurais tant de peine à rattraper ce que j'ai. Naïve avec Echo, c'est en 10e position et ça monte d'une place dans le palmarès francophone de C'est fou. C'était précédé de Damien Robitaille avec Mot de passe qui était nouvelle entrée la semaine dernière. Ça monte de 8 places et on a débuté avec Ariel et Méfie-toi, Méfisto. Ça, c'est stable en 12e position. Ça vient de leur maxi qui s'appelle aussi Ariel. Pas Marielle, parce que si le groupe s'appelait Ariel puis l'album s'appelait Marielle, ça n'aurait pas vraiment de sens. Hein. Dans le prochain bloc, les trois accords et Mimi Van Der Gloom, on débute avec Shampoing. Voici Richesse de la Flore au 89.fm. C'est fou dans vos oreilles. Chaque syllabe bien séparée. Comme bien ordonné. Rien enrichi par un bon soir de printemps. Les feuilles n'étant pas sorties, vous me trouvez bien rempli. Et quand le soleil sort, puis que les beaux jours vont éclore, enfin pourront torcher à même les richesses de la flore. Parlez-moi en dans des paniers, dans le sud au moins on croit pour se torcher. Je me suis j'ai l'hiver, assis seulement au frais, moi toujours m'en rappeler au chagriné. Ça me rappelle un vieux sage du pays d'Adirondack. Il y avait du lichen qui restait pris dans le crack. Parlez-moi en dans les paniers, dans ce long moyen de quoi pour se torcher. Je me suis vécu l'hiver, assis un bar au frais. Moi toujours m'en rappeler au chagrin. Juste à se prendre deux semaines pour se faire chauffer la couette. Parlez-moi en dans des paniers, dans le sud au moyen de quoi pour se torcher. Je me suis vécu l'hiver, merci seulement au fer. Moi toujours m'en rappeler, on s'est gambé. numéro 7. Les trois accords et ton pantalon est plein en septième position. Ça monte de deux places. C'était précédé de l'ancien numéro 1 de la semaine passée, Mimi Van Der Loo avec Demain je travaille. Ça descend donc de sept places. Ça vient quand même de leur album Radar. Et c'est, je pense, la 43e pièce de leur album à être sur le palmarès. On a débuté le bloc avec Shampoing et Richesse de la Flore. Ça monte d'une place. Et ça vient de l'album Les Experts. Comme je le disais, ben, vous êtes dans l'édition francophone des Palmarès C'est fou et on continue jusqu'au numéro 1. On sait maintenant qu'on a un nouveau numéro 1. Donc, d'ici une demi-heure environ, on va savoir c'est qui est là. Prochain bloc, Charlotte Gainsbourg et Elephantine. Débutons avec Flat et Sexy Délic. Au 89 FM, c'est la Radio Campus de Trois-Rivières. De l'horloge infernale à la fin du cycle. Après la pause, Éléphantine et Charles Gainsbourg, et voici notre question quiz de la semaine. Devinez les trois groupes qui ont fait un méchant gros bon dans le palmarès cette semaine. Parle, je veux dire, à chaque seconde que je m'entends parler, je me dis, ce serait dans le fun si c'était Kiwan, la voix que j'entendais à la place de la mienne, tu sais. Ok. T'aimerais donc, ça? Non, c'est bon. J'aime ta voix. T'aimes pas la tienne, c'est ça que ça veut dire? Non, pas vraiment. Bon. On parlera pas de ce que je pense de moi-même parce que ça pourrait être long, puis il nous reste juste un petit 55 minutes. T'es donc pas négatif aujourd'hui. Pas aujourd'hui, dans la vie. Donc je te demanderai pas comment ça va aujourd'hui, Mathieu. Hey, ça va merveilleux! Bon! Sunshine in my life! C'est même pas une chanson, je sais même pas. Je sors de n'importe quoi, finalement. Je mets des mots ensemble, ça fait une chanson. On vient d'entendre nos amis d'Éléphantine avec Debout dans la file, ça monte d'une place. Et c'était précédé de Flat avec Sexy Délic qui monte de deux places en sixième position francophone. Le temps file, les pièces s'enfilent. Et j'aimerais un refill. Très bon. Cherchez un mot qui finit sans fil. pour Debout dans la file. Oh ouais, j'avais compris quand okay. même. Cool. Est-ce que tu vas annoncer le prochain bloc? T'sais, chaque fois que quelqu'un rit pas de tes jeux de mots, ça veut pas dire qu'il comprend pas. Mais il manque les rires en canne. Moi, ça me prend ça pour savoir quand rire, tu vois, genre. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça prendrait ça. Pour qu'il y ait un minimum d'intérêt pour tes blagues. Hey, on est rendu dans le top 5, hey! Francophone. Oui. C'est les choses sérieuses qui viennent de commencer. Ouais, si j'avais un ta-ta-ta, je devrais jouer à ce moment-ci. Mm-hmm. On a déjà entendu hein, l'ancien... Excuse-moi, je viens d'arriver, là, faut que j'ai besoin d'un petit, d'une petite mise à niveau. On a déjà entendu l'ancien numéro 1. Donc, ça veut dire qu'il va en avoir un nouveau, c'est ça? À peu près, oui. Wow. Déduction power, girl power. Pas pire. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on aille tout de suite écouter la position numéro 4? Parce qu'on est bien rendu à la position numéro 4. Si tu veux qu'on fasse le palmarès dans l'ordre, c'est pour toi. Là. OK, tu le faisais pas dans l'ordre? Non, moi, j'étais parti d'un bord puis de l'autre, puis ah oui, non. Ah, OK. Donc, dans l'ordre, en quatrième position, on va écouter Charlotte Gainsbourg avec le café du chat, le chat du café des artistes, l'artiste du chat du café, ça descend d'une place. C'est ta pièce préférée du palmarès francophone cette semaine. I love it! Donc, on écoute Charlotte tout de suite au palmarès, c'est fou. Je suis pas capable, je m'excuse. Je sais que c'est un énorme manque de respect, mais c'est pas Charlotte que j'aime pas, c'est les pièces de Jean-Pierre Ferland, moi, personnellement. Mais pourtant, t'aimes ça les chats, toi, je comprends pas. Ouais, je sais, c'est un peu ironique. Fais-moi numéro 3. Pièce qui monte beaucoup cette semaine dans le palmarès francophone. Elle monte de 17. C'est Presse Citron de Polype. Et c'est en troisième position. Ben oui, c'est tout un bon. Ça, ça passe directement de nouvelle entrée en position numéro 20 la semaine passée à 3. That's amazing! Wow! Hey, ils ont-tu pressé le citron? Squeak, squeak, squeak! C'est comme un Juicer 2000. Comment? Juicer 2000. Je sais pas. J'invente un produit d'infopublicité. Pour ça, on demande 2R99 3000 fois. Slap Polyp 2000. Slap, ouais, Slap Chop. Hey, ça, c'est bon. Mm. Vous allez adorer mes noix. Hein? T'as-tu acheté, toi? Non, mais j'aurais aimé ça, par exemple. Mon coloc a acheté la version cheap qui n'est pas disponible à la télé. Hein, ce qui est disponible, genre, dans des magasins économiques. Le Sloppy Choppy. Ouais, genre, ça marche vraiment pas. Bon. C'est vraiment là. Hey, juste avant la position numéro 3, on a entendu Charlotte Gainsbourg avec le chat du Café des artistes. C'est dur, hein, à dire ça. Et c'est une pièce, tantôt, tu disais que t'appréciais pas tant que ça, mais étant donné que j'ai pris comme mission de te faire apprécier Charlotte Gainsbourg, on va entendre une autre pièce un petit peu plus tard dans l'émission, dans la partie extra sauce brune. Dans la partie extra sauce brune des palmarès, c'est-à-dire la fin de la deuxième heure où on passe un peu n'importe quoi, on va écouter une autre pièce de Charlotte Gainsbourg, comme ça tu vas pas avoir la chance d'apprécier peut-être un petit peu plus. Charlotte. De voir si c'est Charlotte que j'aime pas ou si c'est juste la chanson, c'est ça. Bon, ça sera dans la portion que les gens du vendredi n'entendront pas. Parce qu'ils vont s'en aller vers l'île de l'enfer dans une quinzaine de minutes, mais il nous reste encore du temps ensemble. Donc ne broyez pas. J'aurais pu le dire plus chic que ça, mais ne broyez pas. Ne broyez pas, parce que on sait, on le dit souvent, c'est une petite maxime qu'on se répète tous régulièrement, mais mieux vaut un lutin de l'enfer qu'un extra sauce brune. C'est quelque chose que j'entends souvent. Écoute, je regarde ton air perplexe, mais écoute, sors un peu, puis tu vas voir, les gens disent fréquemment cette expression-là dans la rue. Je me sens pas éduqué, là. Le prochain bloc continue nos gros bons par rapport à la semaine dernière. On va l'entendre en deuxième position, une pièce qui monte de 15 places. Donc, c'était en 17e place la semaine passée. C'est Le Monde Tourne Fort de Vincent Vallière. Suivra le numéro 1 qu'on ne nomme pas. Non. C'est triste, là? C'est vraiment triste. Je suis comme un... Sniff, sniff, sniff. Sniff, sniff. Tu commences déjà tes allusions. Genre, on va plus appeler ça des allusions que des jeux de mots, je pense. Qui se souvient plus du code en attendant le beau-frère pour des vacances à Cape Cod. En attendant à l'urgence ou bien à court des petites créances. En attendant l'autobus, en attendant d'avoir des muscles. En attendant d'entrer à fac, en attendant après ton fric. En attendant sur le bord du fax ou en attendant le déclic. Le temps est long, long. Pour faire la fête en attendant tes enfants qui eux attendent la fin des dents. En attendant après t'en attendant, en attendant après ton café. En attendant d'avoir la cote ou ben non d'en avoir assez. En attendant ton souper ou ben le slow de fin de soirée. En attendant des munitions ou la fin de la punition. En attendant ton diplôme, en attendant d'avoir une blonde. En attendant devant le micro ondes. Attendant qu'explose la bombe. Le temps est long, long, long, long, long. Ça joue au con. Après l'angevin, encore attendre l'inspiration, encore attendre la solution, encore attendre dans ton rang, encore attendre tes 18 ans, encore attendre à tout bout de champ, encore attendre pour pas changement. Toujours attendre après l'amour, toujours attendre les beaux jours, toujours attendre que la mort attendre de plus en plus fort. Le temps est long, long, long, long, long, ça joue au con. Vincent Vallière et Le Monde Tourne Fort qui monte de 15 places en deuxième position francophone, probablement ou peut-être le numéro 1 d'ici les, je dirais, deux prochaines semaines max. Moi, je mise que Orange Orange va peut-être garder la première place à un moment donné. Je viens de dire que c'était. Orange, de quoi tu parles? C'est pas que je veux dire. Pardon? Quoi? Donc, toi, tu penses que Vincent Vallière ne sera pas en première position la semaine prochaine? Ouais. Tu gagerais-tu là-dessus? Non. Non, parce que tu sais, en fait. Voilà. T'es quand même ouais. Bien plugué, toi, pour avoir les bonnes informations. Donc, je prendrai pas de chance avec toi. Ouais. Ça fait combien d'années que j'anime les palmarès? Ah, 14? 14, 15, peut-être 15 ans. Année, ouais. Dépendant des sources, il va falloir aller sur Wikipédia. C'est rare que je révèle le numéro 1 sans faire exprès. T'sais. C'est très, très rare. Ouais. Ça arrive pas plus qu'une soixantaine de fois par année. À vraiment. Peine. Est-ce que je devrais faire des jeux de mots pareils? Des jeux de mots? Ouais. Est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. Tes jeux de mots que je répète sont plutôt des allusions. Très, très claires et très directes, en fait. Hein? Non. Toi qui est super difficile là, quand vient le temps des jeux de mots, des chroniqueurs, là je te vois comme ça, faire des appeler jeux de mots n'importe quoi. Non, non. Non, gars, là, non, moi je prends ça personnel. Là, mes jeux de mots sont aussi faciles que des fois ouvrir un pot de piment fort ou encore, tu sais, casser, tu sais, là, les chocolats. Tu sais, chocolat enveloppé dans du papier d'or, en forme d'orange, ouais, que ouais. tu casses, ça fait des quartiers. Hein? T'appelles-tu un jeu de mots, ça, voir, toi? Hein? Non, vraiment pas. C'est une allusion. Bon. C'est vrai que c'est pas un jeu de mots, par exemple. Et en première position. Fenêtre contre le nez, puis je pense aux enfants du tiers-monde qui vont naître contre leur gré. J'imagine une fleur sur la tombe d'un soldat qu'on a égaré sous les cadavres et les décombres de tout mon cœur. Et je pleure toute la journée, et je pleure pour me soulager. Et je pleure pour l'humanité. Et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure. Et je pleure. Et je pleure. I'm in need of some deep attention. I want to walk in a brand new dimension. Calcule mes livres en trop. Je danse tous les vendredis soirs. Je fais l'amour en stéréo. Je m'achète une télévision. Je me couche pour un téléthon. Je compose de tristes chansons de tout mon cœur. Et je pleure toute la journée. Et je pleure pour me soulager. I'm in need of some deep attention. I want to walk in a brand new dimension. C'était la position numéro 1 du palmarès francophone de C'est fou cette semaine. Avant de dire le numéro 1, on fait un récapitulatif du top 5. En cinquième position, on trouvait Éléphantine avec Debout dans la file. En quatrième, c'était Charlotte Gainsbourg avec Le chat du café des artistes. En troisième, Polype avec Presse citron. La position numéro 2, Vincent Vallière et Le monde tourne fort. Et on vient entendre le grand numéro 1, Orange Orange avec Et je pleure, qui monte de 6 places. Ça a pris 4 semaines avant de se rendre au numéro 1. Moi, ça me surprend, je m'attendais à 2 semaines, max. Ah oui? C'est tellement un hit, cette semaine-là. C'est quand même rapide, 4 semaines. Espérons maintenant que ça va rester longtemps dans le palmarès. Tel un chocolat qui se casse comme un orange en chocolat. L'orange en chocolat a tendance à rester très, très longtemps. Donc, on souhaite la même chose à l'orange. Ça reste longtemps, ses tablettes. Sûrement parce qu'ils vendent ça beaucoup trop cher. Ou dans ton système digestif. Ah, aussi. Surtout le mien. Oui. Allons pas de détails. Parce qu'on sait que tu souffres de constipation, donc... J'avais dit pas de détails, par exemple. OK. OK. Donc, c'est la fin des palmarès C'est fou pour les gens du vendredi soir qui nous quittent pour aller rejoindre les lutins de l'enfer qui commencent dans quelques minutes vers les 20h. Nous, le jeudi, hein, parce qu'on est en direct les mercredis et jeudis entre 13h et 15h, on se continue ça avec le top 30 des albums. On va entendre, entre autres, du Charlotte Gainsbourg, on va entendre du Holerado, ainsi que du Dojo Workhorse. Alors, restez avec nous, c'est les palmarès C'est fou. C'est fou, 89 ans. Le bon métier dans tout ça! Jeudi à Assemblage Requis, Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault de Bidon là dans la question sont presque en direct du concours Miss Milf 2007. Et Stéphanie Gagné nous offre ses suggestions artistiques et culturelles dans ton plat favori. Tout ça plus la chronique technologique CNX dans Assemblage Requis, jeudi 15h. Hey, c'est la deuxième partie des palmarès C'est fou, on appelle ça l'extra sauce brune. Ça va, Kiwan? T'as l'air d'avoir une tête qui explose en ce moment-là. Non, c'est juste que j'avais l'impression que ton thème, il était fort un peu. Il était peut-être fort, je sais pas trop. Faudrait voir. Aucune idée, je sais pas. Peut-être un peu. Bref, bienvenue dans la portion extra sauce. On vous présente du top 30 des albums, le top 6 électronique, top 10 loud, top 3 disques canadiens, un genre d'amalgame de tout ce qui n'est pas top 20 francophone ou anglophone dans cette belle petite demi-heure qu'on se réserve exclusivement en direct les mercredis et jeudis. Tout ce qui est juteux et chaud, comme un extra sauce brune. Oui, c'est à ça que je pense quand tu me parles de chaud et juteux. Je vois pas à quoi d'autre tu pourrais penser. Sûrement pas. Donc, on va commencer l'émission par un petit peu de top 30 des CD. Je sais pas ce que tu en penses, Kiwan. Ben oui, allons-y. Allons-y. Tout à l'heure, on va entendre du Holerado et du Dojo Workhorse, mais on commence par ce qu'on vous avait promis tantôt, là. La belle petite Charlotte Gainsbourg, qui est stable en 21e place avec son album IRM. Et quelle pièce on va aller écouter? J'ai envie d'entendre une pièce que j'ai déjà entendue. Ah, OK. Pour commencer, d'accord. Heaven Can Wait avec Beck. T'attends-tu? Ben déjà, tu risques plus d'aimer ça si c'est avec Beck. Il y a des chances. C'est ça. Donc, on va l'essayer. On va l'essayer. Ben ouais, on va l'essayer. On verra après ça qu'est-ce qu'on va faire avec ça. OK, on l'essaye. Ah oui, non. Ah oui, non. Yeah. Bonjour, ici Kiwan. Et Mathieu. Les Palmarès, c'est fou, et vous écoutez... Les Palmarès, c'est fou! Avec Mathieu et Kiwan. Pièce de l'album de Charlotte Gainsbourg, IRM, précédé du chant du café des artistes. Donc, je me suis dit deux pièces pour pouvoir vraiment me faire une idée de ce que j'aime ça ou j'aime pas ça. Finalement, la question étant, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, si la pièce Le café du chat des artistes, le chat du café des artistes, l'affaire, patente là, avec le chat, là. Oui. Hein, si j'aimais ça ou si j'aimais pas ça, est-ce que j'aimais Charlotte Gainsbourg, est-ce que j'aimais pas Charlotte Gainsbourg, est-ce que j'aimais pas les paroles ou la chanson parce que j'ai trop entendu ou quoi? C'est ça la question. Finalement, c'est pas la réponse. J'aime bien Charlotte, finalement. Tu l'aimes bien? Ouais, eh bien. C'est cool. Bon. C'était ma réponse. Il faut arrêter de bougonner à cette heure. Bon, on va arrêter d'en parler complètement de Charlotte. C'est pas vrai. Son album, c'est IRM, encore une fois. Tantôt, je vous avais promis du Colorado et du Dojo Workhorse. C'est le bloc du top 30 des CD. Donc, tantôt, Colorado, qui se trouve à être en position numéro 5. Ça a monté de la 20e place. Donc, méchant bon encore dans le top 30 pour Colorado. L'album s'appelle Record in a Bag. On va entendre la pièce Do-da-do-da-do-do. C'est ça le vrai nom, pour vrai? Oui. Ça, c'est tantôt. Avant ça, on va entendre The Dojo Workhorse, qui est stable en 11e avec l'album Weapons Grade Romantic. Et la pièce qu'on va entendre s'appelle New Year's Eve. Parfait, on écoute ça tout de suite au palmarès C'est fou, extra sauce brune. So good, it's so good. It's New Year's Eve, I wonder if she'll kiss me. I kissed her once, I know just what I'm missing. And I drove her home when she was drunk last fall. But I'm nearly certain that she can't recall my sweet embrace at all. Eve, I wonder what she's wearing. I've spent 2008 mostly despairing. And is when we're finished. Count to 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eve, the past, she rolls right past me into my dreams, and what's to be is not worth asking. Tonight you might not go home by yourself, and we'll find out when we're finished. Count to 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I'd still go home by yourself, but you won't know till we're finished. Count to 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And we'll put some like those New Year's party favorite sounds. Yeah, those things. change the way you steer lives on my street, like nothing ever changed. And you roll, and you roll, and you rock, and you roll, and you go. And he's got now to do it, do it, do it, and you can get home. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. All right away, do the doot, the doot, do. Au palmarès, c'est fou, j'adore ça, dire ça. Je vais leur dire. Do the doot, the doot, do. Plus vite. Non, pas capable. Do the doot, do, do. Là, j'ai dit n'importe quoi, mais ça sonnait comme si c'était ça le nom de la chanson, ça. On y a vu que du feu. On y croit dur comme fer. Avant ça, on a entendu The Dojo Workhorse. Donc ça, c'est deux extraits du top 30 des CD. D'ailleurs, on va continuer sur le même rythme de vie, je dirais, du top 30 des CD. On va entendre un petit peu de Hockey. Tu te rappelles, Hockey, leur pièce Too Fake était excellente dans le temps, il y a quelques semaines, mois de ça. Hein? Effectivement, c'était très bon. On va découvrir un autre extrait de cet album-là de Hockey. L'album qui s'appelle Mind Chaos, on va entendre la pièce Work. On va aller écouter ça tout de suite. Il reste encore une quinzaine de minutes à la partie extra sauce brune des palmarès. C'est fou. Et ensuite, ça va être Assemblage Requis qui suit. Ouh! Et ne manquez pas aujourd'hui entrevue téléphonique avec Creature et Radio Radio à l'émission Assemblage Requis. Les deux! Les deux. Pas en même temps. Pas en même temps, effectivement. En français, toujours? Okay. Oui, en français en plus. Chance, c'est Colin, hein? En français. C'était Assemblage Requis dans 15 minutes environ. Ben oui, restez là, si vous êtes déjà là. Aucune raison de s'en aller. Aucune raison. Sauf peut-être l'animateur. Comme vous voulez. Lequel? L'animateur. T'es le co-animateur. Regarde, tu viens juste d'arriver. Regarde, okay. Wow. Impose-toi pas trop non plus, là. Hein? Yeah! find an ocean deep enough to sink us, our feet. Tired promise to me, find a love deep enough to scare us. You say you wanna be a better you, and I say I wanna be a better me, and quit chasing ghosts, no more mirrors and smoke, just you and me in the sleeping city. All my life I have wrestled with words insufficient and remote and absurd. You say I won't need those words. Where we're going, I won't fight to be heard. You say you wanna be a better you, and I say I wanna be a better me, and quit chasing ghosts, no more mirrors and smoke, just you and me in the sleeping city. Where we go, our clothes are not needed. Where we go, cell phones are not needed. Where we go, our money's not needed. Where we go, email is not needed. Un beau bloc douillet composé d'albums et de pièces du top 30 des CD de C'est Fou. On vient d'entendre la formation Polar Steps qui est en position numéro 24, c'est stable. L'album s'appelle The Hidden Names et on a entendu la pièce Sleeping City. C'était très bon ça. C'était précédé de la formation Hockey. Leur album est en 26e place stable, c'est Mind Chaos. C'est presque terminé pour les palmarès C'est Fou pour cette semaine. Il reste encore un petit peu de temps et ce qu'on va faire pour le reste de l'émission, en fait, c'est faire des projections, si on peut dire ainsi, si on peut utiliser ce terme hyper cliché. Mais non, en fait, c'est on va faire passer des groupes qui sont nouvellement arrivés ici à C'est Fou et qu'on aime beaucoup et qu'on espère peut-être un jour voir rentrer dans le palmarès. En fait, c'est des groupes qu'on aime déjà, qu'on fait déjà jouer dans les autres émissions. Il va y avoir là-dedans du Bravo Funken, qu'on a découvert la semaine dernière et qu'on aime bien. On va écouter la pièce « Ta mère va danser ». Mais juste avant ça, on va continuer un peu dans le même état qu'on vient juste de laisser. Le douillet. On va écouter la pièce, oui, dans le douillet. On va continuer dans le douillet avec la pièce ce soir du groupe Monogrenade. C'est les palmarès, c'est doux. C'est doux. Hey, c'était cœur. J'ai jamais vu ça. Hey, pour une fois, c'est un bon jeu de mots. C'est tout ce qu'on a comme réaction. C'est oh, ouais, oh. Hey. Ben, moi, j'en reviens pas. Je suis sidéré.